franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Margaret, nous partons loin, loin aujourd'hui de l'autre côté de la Terre, dans la ville du dragon. Ah, nous allons en Chine, vive la balado-diffusion. Et non, nous partons à Logne, à Marne-la-Vallée. Ah, ça c'est chez Mickey et Minnie. Oui, ouais. Et oui, et même chez Mickey et Minnie, on retrouve une forte population du sud-est asiatique qui a débarqué dans les années 80. Alors, est-ce parce que Logne veut dire dragon en chinois qu'ils se sont tous groupés dans cette ville? Ou est-ce parce que, précisément, la communauté devint si prédominante que la ville changea de nom? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, Eric? Non, la communauté asiatique n'est pas prédominante, elle est importante, mais c'est tout. D'accord. Vous-même, vous êtes... Je suis. Vous êtes français? Oui. Oui? Non, mais... Vous voyez ce que je veux dire, français, comment vous êtes né en France, quoi? Oui, oui, je suis français. Ouais, mais vous n'avez pas des grands-parents, comment? Niakoué, par exemple. C'est horrible ce que vous dites, là, c'est un mot très raciste. Alors, on se trompe souvent sur l'origine du mot Niakoué, qui signifie en vietnamien un paysan. Et quoi de plus noble, en effet, que le travail des rizières et ce riz blanc si précieux aux organisations humanitaires qui peuvent ainsi le distribuer à tous ces petits noirs affamés. Pas comme ça aujourd'hui, c'est vachement connoté. Venez à Logne et criez Niakoué, vous allez voir si ce n'est pas insultant. Non, on n'a pas dit que c'était pas insultant, on a dit que ce n'est pas une insulte à la base. Bah, si vous savez que c'est insultant, pourquoi vous l'employez alors? Bah, c'est comme quand on dit mongol, à la base c'est juste un trisomique. Ouais. Alors quel est votre problème, monsieur, la tête ou le corps? Il s'agit d'un syndrome post-traumatique. Lié à la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine? Mais non, j'ai 30 ans. Oui, vous savez, il n'était pas beaucoup plus vieux que vous, et même parfois beaucoup plus jeune, monsieur. C'était il y a 60 ans. Oui, monsieur. Allons-y. Vous pouvez nous exposer votre problème, s'il vous plaît? Eh bien, je suis rentré d'Afghanistan où j'étais en mission. Ah, ben voilà, vous étiez dans une guerre quand même, je savais bien. Bon, et? Et j'ai appartenu au 93e régiment d'infanterie de montagne de Vars dans l'Isère. Alors, qu'est-ce que vous faites à Logne, non? Depuis mes problèmes traumatiques, je suis revenu vivre chez mes parents. Moi, j'ai perdu des camarades dans une attaque, je m'en remets pas. J'ai fait des cauchemars, je revis le drame toutes les nuits. J'ai plus goût à rien. J'ai peur. J'ai peur de tout. Ah oui, bah dites donc, c'est pas très compatible avec la fonction de soldat, ça. Bah oui, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que vous diriez que vous êtes en quête du bonheur? Ben, oui. Ah, vous êtes en pleine dépression. Hein. Bon, il va falloir reprendre pied. Hein. Alors, je vais être frontale, pardonnez-moi Eric, mais c'est important pour une guérison rapide. 1, le bonheur n'existe pas, Eric. 2, je sais de quoi je parle. 3, c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Et puis mon vieux, haut les cœurs. Hein. Il y a bien eu du bon dans tout ça. Il ne faut pas tout gâcher parce que ça ne s'est pas bien fini. Avec Margaret, par exemple, on est parti à Djerba il y a 4 ans. Et le dernier jour, dans le taxi vers l'aéroport, on s'aperçoit que le chauffeur nous a roulé dans la farine, comme des bleus, parce qu'il nous avait volé sur la monnaie. Vous savez comment ils sont, hein, je ne vous apprends rien, vous revenez d'Afghanistan. Eh bien, sur le moment, c'est vrai, on était un peu chiffon. Ah ouais, hein. Alors, d'un coup, on les détestait tous. Hein. Oui, et puis alors avec le temps, eh ben, il ne nous reste que les bons souvenirs. Bah ouais, oh là là. La balade en chameau, la crise de rire, j'avais le mal de mer, ça bouge. Ça tangue, ça ouais, tangue. Enfin bon, quand on est en mission, on n'est pas au Club Med. Hein. J'ai l'impression que vous ne savez pas bien ce que c'est que l'armée. Vous avez fait quoi, votre service? Alors non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je me suis fait réformer, malheureusement, car j'avais malheureusement les pieds plats. Et à l'époque, eh bien, c'était malheureusement rédhibitoire et je n'ai malheureusement pas pu faire mon service militaire. Ouais. Et oui, malheureusement. Voilà. Ouais. En fait, vous ne pouvez pas vraiment nous aider, quoi. Je trouve que les gens nous déconsidèrent. C'est facile en temps de paix, hein. Surtout les jeunes, j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des flics. C'est mal d'être pris pour un policier, monsieur? Quand on met sa vie en jeu pour défendre son pays, on n'a pas envie d'être assimilé à un flic. Je suis désolé, mais on ne fait pas du tout le même travail, quoi. De toutes les façons, ils caillassent même les camions de pompiers, maintenant. Oui, alors, vous savez, nos gardiens de la paix gardent la paix, tout comme vous, et ils n'ont pas besoin de partir aussi loin. Je vous rappelle que sans eux, il y aura un nombre incalculable de voitures dans les couloirs de bus. Alors, je vous trouve très dur. Oui, et puis si on n'avait pas supprimé le service militaire, les jeunes se comporteraient moins comme des petits anarchistes. Parce que je vous assure que donner un an de sa vie à la nation et être forcé de vivre en communauté avec des garçons de son âge, eh ben, ça vous forme un homme. Croyez-en mon expérience. Mais quelle expérience ? Je croyais que vous n'aviez pas fait votre service. Oui, mais je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur, car j'ai été scout. Et scout un jour, scout toujours. Oui, ben, je suis content que ça vous amuse, parce que croyez-moi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, malheureusement. Oui, et ça, c'est les garçons. Toujours à se bagarrer. En tout cas, monsieur, pour ce qui est de votre syndrome post-traumatique, n'oubliez pas que le seul moyen de régler un conflit, eh bien, c'est d'aller au bout de sa vengeance. C'est souvent pour ça que les guerres durent si longtemps, puisque tout le monde doit se venger de la dernière vengeance qu'il a subite, afin, je le rappelle, de gagner la guerre. Et du coup, la paix. On pense notamment à la guerre de 100 ans, où les gens ne savaient plus très bien de quoi ils se vengeaient. Mais justement, c'est cette absurdité que je supporte plus. Voilà. Alors, mon conseil, Eric, barricadez-vous chez vos parents. Fermez les volets jour et nuit. Faites-vous livrer des pizzas. Trouvez-vous des jeux vidéo de guerre en ligne dont vous êtes le héros. Et ne sortez de chez vous que quand ce sentiment de vengeance vous aura totalement rasséréné. Merci. Et calmez-vous, Eric. La guerre, seule hygiène du monde, nous rappelle Filippo Tommaso Marinetti. Alors, attention à bien se laver les mains avant chaque repas. Voilà, merci à tous. Au revoir, Margaret. Au revoir, Philippe. Et merci à Yann Chouquet d'avoir réalisé cette émission. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.